Toto le tigre aimé, Conchita la danseuse. Toto le tigre aimé, Conchita malheureuse. Toto le tigre aimé, Conchita amoureuse. Du beau docteur Zorro à la langue mantaise. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Le beau Zorro disait, Conchita que t'es bête. Le beau Zorro disait, l'amour n'est qu'une fête, ne durant qu'une nuit qu'à l'aurore on arrête. Le beau Zorro disait vraiment tu perds la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Le tigre entendait tout et songeait d'impéto. Attends chacun son tour, attends mon beau Zorro. Attends, attends, attends le dernier numéro. Quand tu mettras la tête dans la gueule à Toto. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Sur la piste Zorro, le cœur toujours en quête. Pendant qu'il travaillait une nouvelle conquête, se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête, qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur, mets-y un tigre dans ton moteur. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre beau dompteur à tête savoureuse. Olé,